Alors, cours d'écoute anthropologique numéro 5, en date du 23 janvier 2016. C'est Christian Roy qui parle. Aujourd'hui, je vais vous entretenir deux ou trois penseurs qui amènent des aperçus sociologiques qui me semblent très importants pour comprendre l'arrière-plan d'une écoute anthropologique, c'est-à-dire ça va tourner un peu autour de la différence entre formes sociales modernes et prémodernes, et puis en fait, ce qui subsiste, ce qui peut subsister de formes plus anciennes dans les formes modernes, qui continue d'être très, très important pour la façon dont on vit. Donc les deux thématiques, en fait, ça va être d'une part la distinction entre communauté et société, et d'autre part la notion de don. Pour le don, je vais me situer dans la ligne de l'essai sur le don de Marcel Mauss, un fondateur de l'école, plus ou moins un des plus en vue de représentants de l'école sociologique française du début du 20e siècle, dont va sortir plus tard Lévi-Strauss. Mais je vais commencer, en fait, une génération plus tôt avec quelqu'un de non moins important pour le domaine germanique, qui est Ferdinand Tönnies. Tönnies, qui s'appelle comme ça, Tönnies, qui a été donc avec Max Weber et Georg Simmel, un des fondateurs de la Société allemande de sociologie en 1908, et puis qui a été son président pendant la majeure partie de sa vie. Il est mort en 1936. Né en 1855. En fait, à l'autre bout de l'ère germanique par rapport à Vienne, Vienne dans l'extrême sud-est, et là, Tönnies venait de l'extrême nord-ouest, c'est-à-dire au bord de la Baltique, près de la frontière du Danemark, au Schleswig. Enseignait à l'université de Kiel, grand-père, où était basé notamment la flotte impériale. Mais enfin, lui, il est né avant la fondation de l'Empire allemand en 1870. Qu'il a vu surgir avec un certain scepticisme. En fait, il était né un peu à la campagne, il a toujours été un peu hanté par les transformations de son coin de pays sous l'effet de la modernité, que certaines formes pouvaient sembler encore traditionnelles, mais que leur esprit, leur dynamique avait en fait complètement changé. Donc c'est quelque chose qu'il a essayé de comprendre, d'élucider dans son œuvre en catégorie très, très générale. En fait, je vais me baser surtout pour ça, sur Tönnies, en vous traduisant comme ça au pied levé des extraits d'une excellente introduction à son œuvre principale, qui s'appelle Gemeinschaft und Gesellschaft, donc communauté et société. Donc, ils sont vraiment les deux modèles sociologiques dont il fait le contraste, qui est en fait qui est basé sur sa thèse qu'il a soutenue en 1877 et qui va avoir en fait 8 éditions différentes jusqu'en 1935, juste avant sa mort, mais qui n'a pas beaucoup changé en fait dans sa substance au fil des éditions. D'après le préfacier donc, de l'édition des classiques de la pensée politique de Cambridge, dont la première ébauche de Gemeinschaft und Gesellschaft contenait quelques pressentiments de certains découragements de Tönnies par rapport à l'érosion culturelle de sa patrie, qu'il avait pu constater depuis son retour chez lui après ses études en 1877, donc, et où il était devenu. Il avait fréquenté un grand poète régionaliste, Théodore Storm. Donc, il était très près de ces problématiques-là, du terroir, et il est devenu de plus en plus convaincu à cette époque, malgré toutes les apparences extérieures du changement, enfin, de la continuité, je veux dire, la culture traditionnelle des ménages, des villages et des petites communautés, des communautés à petite échelle, était en train de mourir. Il était inexorablement balayé par la montée. De la mise en marché à une échelle de masse des sociétés à responsabilité limitée et puis de la grande entreprise, même si sa propre famille était en fait représentait ça, c'était une famille de commerçants. Donc, c'est intéressant, je tiens à souligner qu'en fait, c'est un peu la même problématique qu'on a pu trouver chez certaines des figures viennoises que je vous ai présentées il y a quelques semaines, c'est-à-dire des gens qui voyaient ces formes sociales traditionnelles, le plus souvent artisanales, remplacées par bon, le colporteur, les colporteurs, les grands magasins, la grande finance, les formes sociales de masse qui remplaçaient bon, les petits métiers, les guildes traditionnelles, etc. Donc, ça créait une sorte d'angoisse chez les gens de cette génération qui leur faisait sentir ce contraste entre des formes plus anciennes et les nouvelles formes de la modernité plus atomisées, individualistes. Que des formes plus communautaires est en train d'être mis, d'être sapé, d'où un retour de flamme en quelque sorte, une sorte de néo-communautarisme idéologique pour essayer de contrecarrer ce qui était perçu comme aliénant dans les formes sociales individualistes de masse associées à la modernité. Donc, on trouve ça donc à l'autre bout de l'ère germanique aussi. Comme dans un cadre rural plutôt que dans la grande ville à Vienne, dans la grande métropole. Donc, Tönnies, dans un cadre tout différent, a été hanté des mêmes problématiques. Puis il a mis le doigt vraiment sur les enjeux d'une façon qui fait que son œuvre sur le sujet est restée un classique, même si elle a été interprétée de façon très, très, très différente et très contrastée à travers les âges. Je pense que les enjeux qui dégagent sont extrêmement pertinents au genre de choses dont parle Karim, là, donc ces passages de formes sociales basées ou mentales, même basées par les idées sur les signifiants positionnels et passer à autre chose où tout est plus ou moins interchangeable autour du sujet individuel, etc. Bon. Donc, c'est ça. La démarche, la façon dont Tönnies présente ses concepts, c'est en fait, c'est d'organiser sa démonstration, son enquête autour d'une série d'opposés conceptuels binaires. En fait, des concepts abstraits qu'il appelait des types normaux, qu'on peut comparer aux idéotypes de son collègue Max Weber. Donc, des sortes de positions limites idéales qui permettent de saisir certaines formes et pour ensuite les retrouver dans des cas concrets très, très divers. Sur le plan théorique, c'était des concepts comme communauté, société et tout ce qui va s'y rattacher que je vais vous présenter, donc qui s'excluaient mutuellement, mais sur le terrain coexistent et interagissent les uns avec les autres, donc dans le monde historique réel. Donc ça se présente donc l'ouvrage se présente comme une enquête sur certaines vérités nécessaires sur le caractère de toutes les sociétés humaines. Et c'est subdivisé en trois livres. Le livre 1 parle des formes d'organisation socio-économique et administrative qu'on trouve d'une part dans les communautés à petite échelle et d'autre part dans les sociétés civiles à grande échelle basées sur le marché. Le livre 2 parle des deux types opposés d'intelligence humaine et de rationalité. En fait, lui, il parle de volonté et qu'il voyait comme correspondant à ces deux modes rivaux d'organisation sociale. Tandis que le livre 3 parlait du contraste entre les institutions et les principes correspondant à ces deux séries, donc dans les sphères de la politique, du gouvernement et du droit. Tunis lui-même, en est venu plus tard à penser qu'il aurait peut-être mieux fait d'intervertir les livres 1 et 2. Et le sommaire que je vais en présenter fait ça, en fait. Il va prendre le contenu du livre 2 et le mettre en premier pour aller d'une sorte de succession plus logique vers l'exposé du livre 1 et du livre 3. Le livre 2 est celui qui porte sur les deux différents types de volonté chez l'individu. Pour Tunis, toutes les expressions de la volonté peuvent se retrouver sur un axe entre un extrême, le mode de conscience qui est naturel, spontané et irréfléchi, ce que Tunis appelle le Wesenwille, la volonté essentielle ou la volonté de nature, et à l'autre extrême, un mode de conscience artificiel, délibératif, et orienté vers le calcul rationnel, ce que Tunis appelle « curville », donc la volonté arbitraire. Sur tous les points de cet axe entre ces deux pôles, l'exercice de la volonté était lié à l'idée de liberté, donc, mais tandis que la liberté liée à la volonté naturelle, la liberté de nature, impliquait l'accomplissement non réfléchi d'une fonction ou d'un devoir à l'intérieur d'un contexte social prédéterminé. L'autre type de volonté, la volonté rationnelle, impliquait un choix détaché et a priori illimité et absolu, fait avec une absolue souveraineté de soi. Donc quelqu'un qui a sa propre maîtrise et puis qui décide entre un certain nombre d'options. Alors que dans la volonté naturelle, on est déjà plongé dans une situation qui nous dicte un peu nos réactions parce qu'on en fait partie, on est dans une communauté, donc on a des réflexes communs qui passent à travers nous en quelque sorte, comme une sorte de cerveau mécanisme. Donc cette souveraineté de soi, en fait, on peut la faire remonter à la notion du libre arbitre dans la théologie de saint Augustin. C'est vraiment quelque chose de caractéristique du christianisme occidental et qu'on ne trouve pas en tant que tel, en tout cas qui n'est pas valorisé ou thématisé même dans le christianisme oriental. C'est vraiment quelque chose de typiquement occidental de thématiser ça. C'est la grande idée de l'Occident, sans doute, de cette souveraineté de soi et de cette libre délibération réfléchie sur un nombre d'options indéfinies. Bon, c'est ça le modèle qui s'exporte partout, c'est même la forme concrète du marché. C'est la position du consommateur, en quelque sorte, qui choisit librement entre diverses options, supposément. Donc, toutes les formes de volonté étaient, d'après Tunis, latentes dans tous les êtres humains, mais chacune était davantage typique dans certaines catégories d'individus plus que dans d'autres. Ainsi, la volonté rationnelle, calculatrice, en tant que type normal, était plus prédominante chez les hommes que chez les femmes, chez les adultes des deux sexes que chez les enfants, chez les citadins plus que chez les villageois, chez les commerçants plus que chez les artistes, chez les intellectuels plus que chez les gens ordinaires, et chez les gens qui pratiquent des arts de construction, bon, architecture, ingénierie, etc., plus que chez les poètes et les musiciens. Malgré qu'on trouve toutes sortes de cas à contrario, bon, des hommes poètes, des femmes d'affaires, etc. Mais bon, il y a quand même certaines corrélations, selon lui, avec le sexe ou des citadins ruraux, etc. Plus fondamentalement, ces différentes formes de volonté impliquaient, dans leurs formes extrêmes, l'émergence de deux types différents de psyché humaine. L'exercice de la volonté naturelle encourageait le développement du soi humain, un mode d'identité où les sujets humains étaient en harmonie avec leurs habitats et étroitement identifiés avec les autres êtres humains plutôt que différenciés d'eux. Donc ça, c'est le domaine du moi, enfin du soi et de la volonté naturelle. Et en contraste avec ça, l'exercice de la volonté rationnelle amenait le développement de la personne humaine, où les sujets humains ont créé et inventent leurs propres identités, sont extraits comme à l'écart de leur soi naturel, et perçoivent les autres gens et le monde extérieur comme s'ils étaient des choses, des objets. Donc la personne est détachée, mais le soi est comme impliqué dans son environnement. Donc le type parfait de Wesenswille, de volonté naturelle, c'est l'homme ou la femme de génie créatif spontané, naïf au sens des poètes romantiques, tandis que l'exemple typique de Kurwille, de volonté arbitraire ou rationnelle, c'est l'acteur rationnel, très malin, très réfléchi et conscient de lui-même, qui assume un rôle et le caractère d'une personne, comme le masque qu'on tient devant sa face. C'est l'origine du mot personne, d'ailleurs. C'est un masque, un rôle qu'on assume consciemment. Donc, cette construction double de la psyché humaine était étroitement liée avec une conception de l'organisation sociale et économique présenté en grand détail dans le livre 1, mais qui en fait est le fil conducteur de tout l'ouvrage, hein, donc toute l'opposition entre communauté et société. La communauté, Gemeinschaft, est organique, liée par elle tient à des liens de parenté, de compagnonnage, de coutumes, d'histoire et de propriété communautaire des biens premiers, Tandis qu'une société, Gesellschaft, une société mécanique, est celle où on trouve des individus détachés, autonomes, qui interagissent les uns avec les autres par intérêt personnel, par des contrats commerciaux, avec un sentiment spatial plutôt qu'historique des uns des autres, et des contraintes extérieures, et les contraintes extérieures de lois édictées de façon très formelle et explicite. Dans la communauté, les individus développent leur identité à l'intérieur d'un tout plus vaste, coexistant, tandis que dans la société civile et commerciale, l'identité individuelle est ontologiquement première par rapport à celle du groupe élargi, auquel ils n'est attaché que de façon secondaire et instrumentale. Les communautés étaient à la fois étaient fondées dans une conscience intuitive, et en même temps qu'elles l'encourageaient, tandis que la volonté naturelle et dans la volonté naturelle, tandis que les sociétés étaient fondées dans la conscience de soi et le calcul rationnel et la volonté arbitraire, et encourageaient ces traits. De telles économies, on pouvait les retrouver dans toutes les sphères de l'existence, des relations économiques jusqu'aux plus profondes structures de l'esprit humain. Ainsi, dans la communauté, la production matérielle était d'abord pour l'usage et pas pour le gain, pas pour le profit. Et elle était donc la production était liée à l'allocation communautaire de presque tous les biens et services. Donc c'est la valeur d'usage qui prime, hein, pas la valeur d'échange. L'art et la religion étaient inséparables des pratiques routinières de la vie civique et de la vie domestique et professionnelle, et dont le savoir et les talents pratiques étaient transmis par héritage, par expérience et par l'exemple, hein, comme de maître à apprenti. Est-ce qu'on pourrait dire que ça, aujourd'hui, on appellerait ça une société collectiviste, une communauté? Ça, j'avais l'impression qu'on se retrouvait là dans ce qu'on appelle des sociétés plus collectivistes qui sont là d'abord pour le prime, le bien de la société, ouais. Après le bien individuel. Oui, c'est sûr que le collectif prime, mais j'hésiterais à dire collectiviste parce que ça implique un projet conscient. Ben là, on est des individus, on va faire tout en commun. C'est pas ça, c'est qu'il faut vraiment imaginer que la conscience commune est première, et puis que l'individu est comme immergé dedans, pas parce qu'il n'existe pas parce qu'il c'est pas un projet, c'est simplement un état mental où on pense en. On a un sens commun, c'est l'origine même du sens commun. On a un peu tous les mêmes réflexes qui sont comme spontanément coordonnés. Là, on a un peu les mêmes présupposés. Puis on pense spontanément au groupe qu'on comprend comme une expérience personnelle, etc. C'est dit, dans le monde social, de la société, on va avoir des projets collectivistes, mais qui présupposent l'individu. Hein? Donc, on fait exprès d'avoir du collectif. Alors que ce dont je parle, pourquoi on parle plutôt de communauté, c'est que, disons, le collectif est premier. Là. C'est ce qu'on trouve au départ. La vie est en commun. Hein? La vie est en commun. Et c'est graduellement que la notion d'individu, d'une autonomie peut se dégager de ça. Hein. Donc c'est l'univers tribal au fond, là. C'est le développement de l'univers tribal. Ben, je me disais, on est un peu proche des en Afrique. C'est sûr, c'est des sociétés qui sont beaucoup plus proches de ça, puis qui ont découvert beaucoup plus récemment l'univers du social au sens, et de l'individuel au sens, tenir cela en temps. Mais mais donc c'est un processus qui est pas qui même en Europe qui remonte à peine quelques siècles et puis qui arrivait de son à son vers son terme il y a à peine 150 ans là. Donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à penser sérieusement à ces choses-là, à s'en rendre compte. Donc c'est ça. Donc les choses qu'on prend pour un peu pour acquis aujourd'hui là, en fait c'est des nouveautés anthropologiques, c'est ça qu'il faut réaliser. Et puis c'est ce que Tony souligne. Dans la société, donc tous les liens personnels sont subordonnés aux prétentions d'une liberté individuelle abstraite. Tant la propriété que le travail sont transformés en marchandises abstraites dont la valeur est mesurée par une marchandise encore plus abstraite qui est l'argent. La production a émigré de l'atelier autogéré vers l'usine de production de masse. L'art est plus du domaine de l'artisanat vraiment, ou de la vie quotidienne, mais comme c'est quelque chose qu'on retrouve dans qui est vendu dans les encans ou qui est exposé dans des musées, donc du domaine du marché ou de l'État. La religion qui avait été comme le cœur ou le sang même de la vie quotidienne devient déiste, doctrinale, abstraite et plutôt mort, toutes sortes de routines un peu mécaniques. Là. C'est pas... C'est quelque chose auquel Satan prend la forme de propositions auxquelles adhérer plutôt qu'une sorte d'évidence cosmique vécue dans le quotidien. Pour ce qui est de la raison, dans le modèle communautaire, elle prend la forme d'une raison pratique partagée. Donc, c'est ce qu'on entend par le sens commun, hein, le bon sens, le sens commun. Ça veut dire ça, ce qui est évident pour tout le monde, parce que c'est transmis comme ça, c'est aussi évident que l'être humain, mais c'est quelque chose qui verrait seulement dans un certain cadre communautaire. Tandis que dans la société, la raison veut dire soit le calcul privé des profits et des pertes, ou... l'effort d'intellect individuel pour saisir des universaux abstraits. Dans la communauté, ce n'est pas le travail, mais la vie elle-même qui est une vocation. Tandis que dans la société, l'activité est plus une affaire, un business organisé pour obtenir un bien quelconque. Hein. On fait quelque chose parce qu'on veut avoir quelque chose d'autre. C'est pas une voie, c'est pas une pratique de vie en soi, hein, comme un métier traditionnel. Donc l'attitude dans la société, on a un rapport comme instrumental au travail, aux affaires. Donc on entre dans un certain moule mécanique pour obtenir quelque chose d'autre. Hein. C'est pas l'activité qui est la fin en soi. Donc, ça nous amène aux problématiques du livre 3 de Communauté et Société, qui est le domaine de la politique, de la jurisprudence, du droit et des lois. Tionniste tenait quand même à rappeler que les deux aspects qui souligne sont latents et coexistent dans toutes les formes politiques et juridique à toutes les périodes de l'histoire. Dans chacune, il y a des différences au niveau macro, micro et macro entre une appréhension du social comme des agrégats d'individus contigus et d'autre part des collectivités ayant acquis une certaine communauté, une certaine personnalité politique commune. Dans une communauté, cependant, la personnalité collective évoluait graduellement à travers le temps d'une façon dans une large mesure invisible à l'observateur, tandis que dans une société estime que son origine est clairement marquée par un événement historique constitutif. Il y a une fondation historique clairement repérée dans le temps, un avant et un après. L'origine n'est pas perdue dans la nuit des temps et relatée par le mythe comme elle est souvent dans une communauté, quoi. C'est qu'il y a une sorte de fondation volontaire à un moment donné. Donc le cadre du droit dans les communautés émergeait d'une expérience commune et d'un travail en commun, tandis que dans les sociétés pluralistes à grande échelle, il était le produit d'une rationalité juridique et administrative et d'une législation formelle. Hein, il y a des lois qu'on édicte délibérément, ce n'est pas des coutumes qui ont toujours été suivies et qui souvent ne sont même pas notées. Mais que tout le monde connaît et observe spontanément. Dans une communauté, le conflit était évité par une moralité commune subliminale, renforcée par des sentiments de honte ou de déshonneur, tandis que dans une société, donc une société est comme est gardé en ordre et même, on pourrait dire, policé par l'opinion publique, la politesse et les bonnes manières. Dans un système de communautaire, l'autorité politique est ancrée dans une division primordiale des fonctions dérivant du sexe, de la procréation, du combat, de la force physique. Si bien que l'autorité patriarcale du chef de famille survit et est légitimée par le droit coutumier, bien après que la raison d'être de quelqu'un, qu'une force physique décisive soit une préoccupation quotidienne, quoi. Mais de tels rôles. Donc, à mesure qu'une communauté évoluait, l'autorité patriarcale trouvait des compléments dans d'autres formes d'autorité basées sur d'autres fonctions spécialisées, comme celles de chef militaire, de prêtre, de juge ou d'autres occupations professionnelles spécialisées. De tels rôles ont graduellement permis l'émergence d'institutions publiques caractéristiques d'une forme avancée de communautés. Bon, les tribunaux seigneuriaux ou municipaux, les fraternités religieuses et les guildes professionnelles autogérées, les corporations enregistrées légalement ou une assemblée publique basée sur la capacité du service militaire. Hein. Bon, c'est ce qu'on trouve tant c'est l'origine de la démocratie à Athènes. C'est essentiellement une affaire de guerriers entre eux là, qui se reconnaissent des droits égaux. Là, donc, c'est un développement c'est une affaire de chef de famille qui délibère entre eux. Hein. Donc, c'est une sorte de transition là, du domaine familial à un domaine public et social. Mais bon, même chose dans les assemblées des tribus germaniques, là, le team, là, c'est un peu le même principe. Des chefs de famille guerriers qui délibèrent en commun. Donc, mais ça, c'est l'origine des institutions parlementaires qu'on connaît aujourd'hui, notamment. Et ça, c'est encore dans le cadre de la communauté. Hein. C'est curieux dans un certain sens parce qu'on prend, par exemple, les démocraties antiques comme le modèle des sociétés modernes, mais en fait, les sociétés antiques sont encore dans le communautaire. Hein. Les sociétés modernes sont vraiment dans le social, la société de marché, de contrat, etc. C'est pas ça la démocratie antique. Hein. On pourrait dire c'est un peu la différence entre démocratie directe et démocratie représentative. Mais bon, ceci dit en passant, c'est pas mon propos principal. Mais c'est pour revenir à Tunis. Donc, à l'intérieur du cadre fonctionnel et hiérarchique des communautés, Tunis reconnaissait beaucoup de dangers d'oppression et de domination. Des dangers, toutefois, qui, dans une communauté parfaitement intégrée, étaient compensés par des valeurs religieuses partagées, des réseaux de réciprocité de droits et de devoirs, des célébrations artistiques et liturgiques, de la lignée et des ancêtres communs et de puissantes limites légales tant aux libertés personnelles qu'à la propriété privée. Donc, bon, tout un jeu comme ça de droits et de devoirs sociaux là, qui arrivait plus ou moins à se compenser à l'intérieur de certains présupposés partagés de façon comme coutumière dans des petites communautés à taille humaine où il y a des relations face à face. Hein, bon. Là où de tels modes d'organisation ont été absorbés dans des entités politiques plus vastes, elles ont souvent été écrasées ou marginalisées par la domination étrangère, le servage et des armées professionnelles prédatrices. Mais là où elles ont survécu en tant que, on pourrait dire des petites des républiques civiques, on pourrait dire, comme dans la police, la cité hellénique ou les libres cités germaniques de la fin du Moyen-Âge. Ils ont constitué la Gemeinschaft, donc la communauté, sous sa forme la plus haute et la plus pure, selon Tönnies. Une forme qui perdurait dans certaines institutions résiduelles et pratiques à l'intérieur même des cultures atomisées, compétitives, impérialistes de la fin du 19e siècle. Ce qui nous amène à la discussion de la Gesellschaft, la société qui partage beaucoup des formes extérieures de la Gemeinschaft, de la communauté, telles que des assemblées représentatives, des fonctions publiques spécialisées et un cadre de droit positif. Mais leur essence sous-jacente est très différente. Les acteurs rationnels, isolés, suspicieux à l'égard les uns des autres et cherchant à maximiser leur bien-être, qui est caractéristique de la société, ne peuvent pas espérer en eux-mêmes former une personnalité collective, naturelle, unie. Mais les impératifs fonctionnels du commerce dictaient qu'une puissance supérieure applique des règles du contrat entre les citoyens. Il fallait une autre instance impersonnelle, en quelque sorte. Le résultat a été la création d'une personne artificielle, que ce soit un prince ou une assemblée ou un mélange des deux, qui, comme le conseil d'administration d'une une société commerciale à responsabilité limitée, était investie depuis des pouvoirs des mandataires individuels et représentait leurs droits et leurs intérêts, tant contre des entités extérieures que dans leurs disputes les uns avec les autres. Tel était pour Tönnies l'essence du rôle de l'État dans la société de marché compétitive. Ce rôle avait été à la fois stimulé et légitimisé par la renaissance moderne du droit romain, avec son accent mis sur le libre contrat, son indifférence à l'existence même des communautés et des corporations, et la façon dont il sape le particularisme local, les pratiques archaïques et toutes les formes de coutumes historiques populaires. Bon, c'est le modèle, par exemple, du Code Napoléon, là, bon, c'est même de la République française, qui connaît littéralement ce qui s'est passé après la Révolution française, c'est que les corporations qui existaient dans la société, tous les corps intermédiaires, ou même toutes les communautés, même ethniques, ça n'existait plus. L'État ne connaissait que des citoyens individuels, et puis avec les lois qui étaient édictées centralement. Donc il y avait la loi de Chapelier qui faisait qu'aucune association pouvait être reconnue entre les citoyens. Il a fallu jusqu'en 1905 pour que des associations soient reconnues publiquement. Autrement, il n'y avait que l'individu isolé face à l'État qui avait le seul légitimité pour édicter des lois. Donc ça, c'est un exemple, l'exemple chimiquement pur de la société qui a été, bon, évidemment, copié à travers le monde par la suite. Donc, à force d'approprier à ses propres fins le système du droit positif, l'État dans la société moderne est devenu celui qui définit ce que doit être le droit, en éliminant les sources d'autorité inférieures ou rivales. L'État en est venu à s'identifier avec la société, avec l'idée de société comme un sujet rationnel englobant. Si bien que en anglais, par exemple, quand on dit nation, en fait, on veut dire État. C'est pour ça qu'on parle de Nations Unies, quand en fait, on veut dire les États, les États-nations. C'est-à-dire une entité centrale qui a le monopole du droit, qui est la dernière instance juridique, tant vers l'intérieur que vers l'extérieur et les autres entités, les autres États du monde. Donc, en utilisant la force pour assurer la liberté du contrat, l'État créait implicitement des précédents pour d'autres formes d'intervention souveraine dans l'équilibre des forces du marché et la distribution de la puissance économique. Et en détruisant la Gemeinschaft, la communauté, et en universalisant l'attitude mentale de la volonté rationnelle arbitraire, l'État moderne ouvrait par inadvertance la boîte de Pandore des désirs populaires sans limite et ingouvernables. De telles tendances, selon Tönnies, interdisaient de plus en plus tout retour à des organisations de type Gemeinschaft, du genre traditionnel. Mais ces tendances imposaient en même temps des tensions intolérables et des contradictions à la stabilité de la société moderne en tant que système politique. Tönnies était plutôt pessimiste quant à l'avenir possible des sociétés avancées. Les scénarios qu'il envisageait à long terme, c'était des tentatives de prise de pouvoir des classes ouvrières ou un système de socialisme d'État à base nationale dominé par les élites technocratiques et le big business. Ou encore l'émergence d'un État mondial globalisant, donc basé sur une forme une forme socialiste de société. Toutes ces éventualités menaçaient en fait bien plus que le système du contrat commercial privé. Comme avec l'éclipse de l'Empire romain, concluait Tunis, la civilisation entière a été mise à l'envers par le mode de vie moderne dominé par la société civile et de marché. Et dans cette transformation, la civilisation elle-même arrive à sa fin. Donc ça, c'est une des angoisses qui pouvaient se dessiner chez ceux qui n'était pas a priori obnubilé par une sorte de mythe du progrès automatique, là. Quand on regardait les enjeux, les formes de vie humaine qui étaient rendues périmées par la vie moderne, mais qui n'étaient pas nécessairement remplacées par quelque chose d'aussi humain. Il y avait lieu de s'inquiéter, mais en même temps, ça pouvait stimuler des réflexions et des projets pour des formes même de refondation sociale qui retrouveraient quelque chose du génie des petites sociétés communautaires d'autrefois. Hein? Bon, moi, en fait, ma spécialité comme historien, c'est historien des idées. C'est les mouvements non conformistes et personnalistes des années 30 en France. Il y avait parfois des idées très audacieuses dans ce domaine-là. Moi, et je me suis comme voué à un penseur complètement inconnu, je suis seul à connaître, il s'appelle Arnaud Dandieu, qui lui a basé ses réflexions sur l'essai sur le don de Marcel Mauss. En fait, je vais un peu piller un article que j'ai, enfin, des éléments d'un article que j'ai écrit sur Dandieu pour en fait, à travers ça, faire passer ce qu'on peut retenir de Marcel Mauss dans le contexte moderne à propos de la problématique du don que Dandieu, donc, a essayé d'actualiser dans un contexte industriel avancé. Donc, le don qui permet de mieux comprendre ce qui est en jeu dans la communauté, dans ces formes d'interaction sociale qui se déploient dans le temps plus que dans l'espace, dans des liens interpersonnel et intracommunautaire plus que dans des rapports impersonnels à l'échelle d'une société de masse. Hein. Comment retrouver quelque chose de ce rapport face à face et de cette taille humaine à l'intérieur de la société industrielle? C'est un peu le défi que se donnaient des penseurs personnalistes comme Dandieu, dans son cas, en se basant sur la sociologie et l'anthropologie, plutôt que sur des intuitions théologiques comme beaucoup d'autres de la même école de pensée. Donc Arnaud Dandieu donc a essayé d'actualiser les implications sociopolitiques de l'essai sur le don de Marcel Mauss à peu près en même temps, en fait un peu avant que Georges Bataille, qui était son collègue à la Bibliothèque nationale, donc autour de 1930, qui lui-même a publié peu après un article sur la notion de dépense qui se basait aussi sur Mauss. Je vais faire allusion plus tard à ce qui, à mon sens, est la différence entre la notion de don et de dépense. Mais disons pour l'instant que Peux-tu nous parler un peu de Mauss parce que je ne suis pas sûr que les autres. Oui, c'est ça. Il faut un peu de présentation. Ben, Mauss, c'est tout simplement, c'est un peu l'équivalent de Tunis en France, au sens que c'est après Durkheim, c'est un peu le père fondateur de l'école française de sociologie. Hein. Mais qui était beaucoup très qui puisait beaucoup dans les recherches ethnographiques hein, sur des peuples lointains ou primitifs ou anciens pour essayer de repenser les catégories de la vie sociale et psychique humaine. Bon, il y avait aussi, on peut mentionner Lucien Lévy-Brulle aussi, qu'on connaît surtout pour son exploration de la mentalité prélogique des peuples primitifs, des formes de pensée qui ne sont pas basées sur le principe de contradiction et sur les lois de la causalité telles qu'on les connaît. Mais sur le principe de participation, par exemple, que les choses qui se ressemblent ont comme une sorte de solidarité qui fait qu'agir sur l'un, c'est agir sur l'autre. Hein, c'est le principe de la magie. Bon, ce genre de choses-là. Donc, essayer de comprendre comment l'homme a pensé avant l'avènement de ce que Tunis appelle la société et l'avènement de la volonté rationnelle calculatrice. Donc les formes communautaires en quelque sorte et prélogiques de pensée. Donc Mauss s'inscrit un peu là-dedans en fait la notion de don qu'il va dégager à partir de ce matériel en montrant les prolongements dans la société moderne permet de trouver une sorte de point de charnière en fait entre le communautaire et l'individuel. Quel est l'agent individuel du mode d'être communautaire hein? Comment il peut se là aussi en partant en fait, il saisit de plus près la dynamique du lien communautaire mais à partir de l'agent individuel, en quelque sorte. Donc, il explore le même terrain que tu dis, et là, en explorant davantage des éléments, c'est moins théorique, c'est basé beaucoup plus sur des données empiriques tirées de l'histoire et de l'ethnographie, dans l'étude des peuples étrangers, exotiques, etc. Donc sur le plan des origines de la vie économique, par exemple, ce que Dandieu retirait de ça, ce qui va me permettre d'entrer dans la pensée de Mauss, c'est que, comme le dit dans les mots de Dandieu, dans l'analyse de l'échange et du crédit, aux éléments mesurables et purement économiques, il faut ajouter des éléments irrationnels de confiance et d'action, hein, comme les éléments décisifs du point de vue de l'individu. De là l'importance du potlatch, que je vais définir plus tard, tel qu'interprété par Mauss. Hein. L'étude du potlatch n'a été faite jusqu'à maintenant que, selon Dandieu, que d'un point de vue historique. Et les sociologues même, comme Mauss, qui l'ont tenté, semblent s'être préservés volontairement des prolongements politiques que peuvent avoir leurs découvertes. Pourtant, celles-ci peuvent être aussi bouleversantes pour l'évolution des sociétés modernes que pour la connaissance des sociétés primitives. Et l'étude du potlatch se révèle extrêmement féconde en enseignement concernant la véritable nature et la source essentielle des phénomènes dits économiques. C'est pourquoi il convient de cerner de plus près ce qu'il faut entendre sur ce vocable de potlatch, qui est central. C'est pour Mauss, c'est le paradigme du don, hein, comment il agit dans la société. Donc le mot potlatch signifie nourrir, consommer, dans la langue des Indiens Chinook de la côte nord-ouest. donc dans l'État de Washington surtout. Mais il a depuis longtemps été accepté par tous les habitants de la côte nord-ouest du continent américain pour désigner un genre de festival qui fut jadis au centre de la vie de ces cultures autochtones et en lequel les sciences sociales ont vu au 20e siècle l'idéal type de toute une gamme d'institutions et de pratiques à travers des sociétés les plus diverses et des temps les plus reculés jusqu'à une époque récente. Au sens strict, le mot potlatch se réfère à des fêtes prolongées combinant les fonctions d'une foire, d'une assemblée politique et d'une initiation religieuse et qui se tenait à de nombreuses reprises tout au long des longs mois d'hiver dans les sociétés indigènes de la côte pacifique. Avant tout chez les Amérindiens de Colombie-Britannique et d'Alaska, les Kwakiutl, les Tsimshian, les Haida, les Tlingit, à un moindre degré dans certaines cultures de l'intérieur, comme les Chinook et les Dene, mais aussi dans une mesure remarquable chez les Inuits des côtes de la mer de Bering, donc dans le nord Pacifique, et jusqu'au continent asiatique avec les Tchouktch et les Koryaks de l'extrême-orient sibérien, donc la péninsule du Kamtchatka, en face au Japon. Marcel Mauss n'hésitait, Mauss, donc M-A-U-S-S, n'hésitait pas, quant à lui, à appliquer le terme potlatch aux institutions très semblables de bien des peuples du Pacifique Sud, tels que le coolering, observé par l'anthropologue américain Bronislav Malinowski chez les indigènes des îles Trobriand, pas très loin de la Nouvelle-Guinée, en Macronésie, je crois. Comme ce circuit du coula, le potlatch amérindien implique la constante circulation des biens sous la forme de cadeaux échangés entre groupes sociaux rivaux, tels que clans et fraternités. À travers le cérémonial compliqué du potlatch, donc ces clans et fraternités prodiguaient à leurs invités les richesses, donc invités dans des fêtes intercommunautaires, les richesses accumulées durant la belle saison, les obligeant et obligeant par là leurs invités de façon implicite, ce qui est essentiel pour le don, à leur rendre l'appareil avec intérêt à l'intérieur d'un délai raisonnable, à peine de guerre privée ou publique. Ils devaient en effet à leur tour inviter leurs hôtes à un potlatch où ils les surpasseraient en générosité, lançant ainsi une nouvelle ronde de dons compétitifs en une escalade sans fin que l'abondance de la nature rendait possible dans ces régions maritimes. Il ne s'agissait pas là de commerce au sens habituel, puisque chaque village était normalement autosuffisant quant aux biens de consommation courante. Ces communautés connaissaient deux modes d'interaction, la guerre pour le sport, le prestige et le butin, d'une part, et d'autre part, la collaboration en vue de la minutieuse organisation nécessitée par les pêcheries de printemps et d'été. Chez Mauss, il y a une sorte de dualité, il y a deux modes d'interaction principaux entre des communautés distinctes dans la situation humaine première. C'est la guerre et le don. Le don, c'est comme une alternative à la guerre. Mais il y a quand même la même énergie que l'appel agonistique qui est en œuvre dans le don. Le don, c'est, implique une sorte de compétition, là, mais qui arrive à se transmuer, à prendre une autre forme qui n'est pas directement violente, mais il y a quelque chose, il y a quand même une part implicite d'agression. Donc... donc, cette organisation intercommunautaire des pêcheries du printemps et de l'été, donc en Colombie-Britannique, était conduite par des guerriers entrepreneurs qui étaient seuls en mesure de souder pour cette tâche de vastes contingents de parents et de clients en les obligeant au moyen de spectaculaires potlatchs. Alors, je dis obligé au sens que quand on donne un cadeau à quelqu'un, il se sent obligé de nous rendre un service ou un cadeau en échange. Donc, En se donnant des cadeaux les uns les autres, ils créaient un lien où les autres étaient comme encouragés à travailler avec eux. Hein. Donc, le circuit des cadeaux précédait en quelque sorte l'échange de travail. C'était comme la piste qui permettait aux échanges de travail, on pourrait presque dire les contrats de travail de se former. Hein? C'est pas une transaction, bon, nous on va faire ça, toi tu vas faire ça, mais il y avait une relation humaine qui était déjà formée et le fait qu'on se sentait obligé les uns des autres, ça incitait à collaborer. Hein? Et ça, c'est la forme première en fait de l'activité économique. dans le domaine communautaire que Tunis avait déjà dégagé. Hein? Ça se faisait dans ce contexte-là, en obligeant des clans étrangers au moyen de spectaculaires potlatches où le prestige était obtenu et les rangs assignés entre les communautés comme il l'était aussi à l'intérieur de celles-ci. Des réseaux de loyauté plus étendus que le niveau local étaient ainsi constitués, se substituant à la guerre tout en poursuivant par d'autres moyens son féroce combat pour le prestige et le pouvoir. Si la richesse y servait désormais, c'était d'une manière servait à affirmer le prestige et le pouvoir, c'était d'une manière assez différente de celle qui a cours dans les sociétés modernes, puisqu'il ne suffit pas dans le potlatch d'accumuler de la richesse. Montrer du déplaisir à se départir de la richesse est presque pire que d'en manquer. C'est de manquer de générosité, c'est la pire chose. Il faut surtout pas être vu comme avaricieux. Hein. C'est pire que d'être pauvre, ça. C'est tout comme hésiter à mettre sa vie en jeu au combat ou bâcler l'exécution d'un rituel sacré, se montrer pingre de quelque façon et hésiter dans une dépense veut dire perdre la face. Perdre la face, c'est pas juste une expression imagée, ça voulait dire très littéralement, dans les sociétés anciennes, perdre son âme avec son honneur, c'est-à-dire devenir un esclave. Hein. Perdre la face, c'est-à-dire qu'on n'est plus quelqu'un, on est une chose. On n'est plus un sujet, on est une chose. Puisqu'on n'est plus en mesure de donner, on devient un objet d'échange. C'est ça l'alternative des sociétés communautaires. Hein. Soit on est donateur, soit on est la chose échangée. Mettre un individu dans une situation où il n'était guère en mesure de répliquer au don de l'autre par des sacrifices encore plus extravagants, telle était l'arme suprême. Afin d'ainsi aplatir son rival, il était légitime de détruire délibérément des biens précieux, hein, ses propres biens, mobiliers ou immobiliers. Qu'il s'agisse de brûler sa maison ou de mettre à mort ses esclaves, voire même de donner femmes et enfants. De tels excès de destruction somptuaire en pure perte faisaient la fascination du potlatch pour Georges Bataille, qui trouvait une source de souveraineté nihiliste dans une communauté impossible. Bon, mais ça, c'est ce qui l'intéressait, bon, comme en toute chose, ce qui l'intéressait, en toute chose, c'est vraiment les perversions. Là, c'est la dépense. Ce qui l'intéressait, c'est simplement quand le potlatch dérapait puis tombait et tombait dans l'autodestruction mutuelle pour épater l'autre en se détruisant soi-même. Ça, c'était des situations extrêmes qui probablement se sont juste présentées à cause du déséquilibre créé par l'interaction déjà avec la société marchande occidentale. Hein. Ce que Georges Bataille retient du don, c'est qu'on a le choix dans la vie entre l'accumulation, le calcul intéressé ou s'autodétruire, se dilapider. Bon. Il n'y a pas de place pour la véritable relation, le lien social là-dedans, ou encore une espèce de communauté criminelle ou quelque chose comme ça, ou suicidaire. Il n'a pas compris le don, et c'est à juste titre qu'il parle de dépense plutôt que don. C'est l'accumulation à l'envers, la diarrhée plutôt que la constipation. C'est aussi bête que ça. Alors que le don, c'est quelque chose, c'est quelque chose de notre ordre. C'est des personnes entières qui cultivent leur lien en tant que personne. Non pas pour qu'il y ait une faible qui arrive à une limite, mais qui se maintient dans son état de tension, comme quelque chose de désirable en soi, même dans la dette, hein, de maintenir la relation, pas d'amener à un point extrême de basculement dans la mort ou dans la dysfonction. Hein. Donc Arnaud Dandieu était beaucoup plus proche de la compréhension d'une vraie pensée du don, même si aujourd'hui on se souvient, les intellectuels et les philosophes se souviennent de ce juste de Bataille, mais le véritable héritier de mots sur le plan de son application à une pensée sociale et politique, c'est plutôt Dandieu à mon avis. Parce qu'il était plus nuancé et plus équilibré dans son appréciation, certes enthousiaste, du potlatch. Il y relevait par-dessus tout le caractère social intégral d'un acte d'échange, où les éléments économiques sont étroitement liés, ou plus exactement fondus, aux éléments mystiques et affectifs, dont notamment les considérations de prestige et d'honneur. C'est par le potlatch, en effet, qu'est gardée vivante et opérante la mémoire des ancêtres de l'hôte, qui y est honorée par des danses et des discours solennels. Leur prestige exige que la richesse de leurs héritiers soit diffusée, donc le prestige des ancêtres exige que la richesse de leurs héritiers soit diffusée de haut en bas de la hiérarchie sociale, une fois qu'elle a pu s'accumuler de bas en haut sous l'égide du chef. Pour être gagée sur l'honneur de son nom, du nom du chef, au jour du potlatch, où les pleins pouvoirs de son clan sont concentrés dans sa personne. Le chef est alors libre d'établir pour le clan des contrats qui l'engagent tout entier. On voit cette logique des liens qui sont concentrés dans celui qui fait converger les dons de tout le monde pour les gager personnellement, dans une autre relation de dons entre communautés. Et là, je cite Mose, « Contracter des dettes d'un côté, payer des dettes de l'autre côté, tel est le potlatch. » Non, ça c'est pas Mose, c'est l'anthropologue Franz Boas dans son rapport de 1898 sur les tribus du Nord-Ouest du Canada. Et je continue la citation. « Ceci est fait publiquement, avec beaucoup de cérémonies et en manière d'acte notarié. Ceux qui reçoivent des présents à cette fête les reçoivent comme prêts qu'ils utilisent dans leurs présentes entreprises, mais après un intervalle de quelques années, il leur faut les rendre avec intérêt au donateur ou à son héritier. » C'est quelque chose qui se fait à l'échelle de génération, ce genre d'échange de dons. C'est essentiel, en fait, à cette espèce de continuité temporelle qui est caractéristique des communautés, déjà, selon Tunis. C'est là, pour Dandieu, la preuve que, contrairement à ce qu'ont toujours répété les économistes sur les origines de l'échange, et qu'on trouve dans tous les manuels d'économie encore, de par le rite du potlatch, le crédit précède le troc. On dit toujours que l'économie a commencé par le troc et on a ensuite évolué vers le crédit, mais en fait, ce que montre Mose, c'est que le crédit précède le troc. Le terme précède le comptant. C'est pas d'abord de l'échange de choses utiles, c'est des dons, c'est des dons qui créent des relations de dette et de crédit. C'est ça qui est premier, en fait. En d'autres mots, le temps social du don rituel réciproque précède l'intemporalité désincarnée de l'échange matériel calculable en vue du profit individuel. En d'autres mots, le temps communautaire précède l'espace social. Par sa méthode dichotomique, distinguant dans tous les domaines ces deux types d'activités et de prestations, Arnaud Dandieu reprend la distinction relevée par Mauss dans les sociétés traditionnelles de la Rome antique aux îles Samoa, entre des biens et des activités destinées à l'échange proprement économique en vue de la consommation courante, d'une part, et d'autre part, les biens et activités voués à l'honneur de la dépense prodigue. Ainsi, les objets de cuivre jouaient-ils le rôle d'une monnaie, connue comme l'attracteur de propriété, réservée aux fins somptuaires du potlatch. Les biens de luxe distribués aux invités en étalage d'opulence comprenaient aussi des couvertures multicolores appelées chilkat, des peaux de loutre, des accoutrements de guerre, des haches et des boîtes sculptées, pour ne rien dire des vastes quantités de nourriture consommées. C'est beaucoup de ces biens avaient aussi une valeur pratique. En tant que présents, ils étaient marqués d'une différence de nature par rapport aux objets utilitaires. C'est pas parce qu'ils étaient utiles qu'on les offrait, mais parce qu'ils étaient prestigieux en tant que cadeau. Ça les faisait entrer dans une situation, dans une dynamique, une qualité différente. Si ces caractères du potlatch ont pour Dandieu une valeur normative, c'est qu'il fait remonter à l'individuation du chef par rapport au clan qui s'y fait jour, comme on l'a vu tout à l'heure, l'origine, voire l'essence de la personne humaine. À côté du totem et des masques évoquant les ancêtres, la persona de l'hôte distingué, soit sa reconnaissance sociale par des dettes de gratitude, était représentée par des boucliers de cuivre ornés du blason de leur propriétaire, qui les exhibaient au potlatch, mais ne s'en départissaient qu'à regret, ou alors comme prêts en marque de confiance. De même, les plats, les fourchettes, les cuivres, tout est blasonné, animé, fait partie de la persona du propriétaire et de la familia, des restes, des choses de son clan, soutiendra Mauss en 1938 dans son essai sur la notion de personne, où il revient sur le fait de la personne et de ses droits et devoirs et pouvoirs religieux, sur la succession des noms, etc., n'ayant pu y insister dans son essai sur le don de 1924. C'est à dessein qu'il emploie la terminologie latine, donc de persona, pour parler des quatuors de Colombie-Britannique, puisqu'il retrouve à sa racine la même atmosphère chez les anciens que chez les Amérindiens. Le mot persona aurait été emprunté par les Romains aux Étrusques, ces autochtones d'Italie qui, comme ceux de l'Amérique du Nord-Ouest, avaient une civilisation à masque. Bien qu'ils aient pu adapter le mot persona du mot prosopone des Grecs, ce qui est sûr, là je parle des Étrusques, d'où viendrait le mot persona, ce qui est sûr, c'est que ces deux vocables désignent au départ une seule et même chose. Hein, qu'on parle de persona ou de prosopone, le masque mortuaire de l'ancêtre éponyme d'un clan, dont l'imago est ainsi préservé par les familles patriciennes, donc les familles nobles, donnait le droit de porter le surnom ou cognomen. Hein. Donc les familles nobles, c'est celles qui ont un nom, hein, qui sont en position de donner, et donc qui ont donc une personnalité. Hein. Si on n'est pas en mesure de donner seulement en position de recevoir ce qui permet de survivre, ben on est un serf ou un esclave ou un domestique. C'est ça la différence entre un homme libre et généralement un noble et un être servile, c'est quelqu'un qui est juste en position de recevoir ce qui est le nécessaire à sa vie et pas en position de donner grand-chose, de se mettre en jeu. Donc, c'est comme une décisive extension de la persona civile que Mons voyait à Rome la révolte de la plèbe, le plein droit de cité qu'acquérir après les fils des familles sénatoriales, et c'est le sens premier du mot émancipation qu'on a encore, tous les membres plébéiens des gentes, des clans si on veut, tous les hommes libres de Rome. Mons aurait pu ajouter que ces masques funéraires devinrent, dans l'Égypte hellénistique et romaine, les portraits peints de défunts, comme ceux de Fayoum, qui sont souvent reproduits, en lesquels il est impossible de ne pas reconnaître la source de l'art chrétien de l'icône. Représentation saisissante de l'universalisation, cette fois métaphysique plutôt que politique, d'une vision nouvelle de toute personne humaine comme imago dei. Hein? C'est plutôt que l'ancêtre, plutôt qu'être une image de l'ancêtre fondateur du clan noble, chaque personne est en fait, au sens chrétien, est en fait à l'image de Dieu comme ancêtre suprême, cosmique. donc une gloire, cette fois, à restaurer, une gloire primordiale à restaurer par cette nouvelle forme d'héroïsme qu'est la sainteté, plutôt que par la gloire guerrière à l'origine d'un clan noble. Donc une espèce, si on veut, de démocratisation, en tout cas de propagation, du statut de personne qui de son cadre strictement tribal prend des dimensions plus vastes, bon, que ce soit à l'échelle d'un royaume comme l'Égypte ancienne, et puis qui ensuite est comme même là et s'individualise là, même la notion d'immortalité individuelle se répand du pharaon jusque chez les humbles sujets. Comme en Égypte aussi, la transition se fait entre les masques funéraires qui sont le privilège, qui étaient à l'origine des privilèges de quelques familles de Rome. Là, tout le monde se fait représenter par une représentation hiératique sur son tombeau en Égypte aussi. Là. Donc, il y a cette idée d'avoir une personne capable de faire et de recevoir des dons, ça donne une sorte de statut qui transcende la mort, hein, qui défie le temps d'une certaine façon, qui permet d'avoir un nom qui perdure, hein? Comme seuls les pharaons en avaient dans des temps reculés, puis avant ça seuls les chefs de clan ou de familles nobles. Donc, ce qu'on comprend, en fait, le sujet dont on a fait une sorte d'agent libre dans nos sociétés modernes, la généalogie, en fait, remonte à l'agent du don dans les sociétés communautaires, un don qui est passé à des échelles à la fois toujours plus vastes et toujours plus personnalisées, quoi. En tout cas, il apparaît à la recherche, à la lumière de la recherche ethnographique américaine, pour Mons, que nous voyons déjà chez les Pueblos du sud-ouest des États-Unis, en somme, une notion de la personne, de l'individu, confondu dans son clan, mais détaché déjà de lui dans le cérémonial par le masque, par son titre, son rang, son rôle, ses propriétés, sa survivance et sa réapparition sur Terre dans un de ses descendants doté des mêmes placés, prénoms, titres, droits et fonctions. Cette idée formulée par Mose en 1938, dans Dieu, il était déjà arrivé sur la base de l'essai sur le don du même Mose et de Foi jurée, le livre de son collègue sociologue Georges Davy, affirmant en 1933, c'est dans Dieu qui parle, ainsi sur le plan économique, le premier échange effectué dégagea l'initiative personnelle de la volonté collective et grégaire du clan. Hein? Donc l'échange est quand même un acte personnel à l'intérieur même du clan, mais qui établit déjà une première singularisation à l'intérieur du clan. Sous forme de patriarcat, puis de féodalité, ces premiers individus, dégagés du groupe, exercèrent d'abord une virilité et une agressivité indiscutées et sans contrepoids. Et bientôt, la contagion de l'individualisme, agissant sur les masses, chefs et sujets, maîtres et serviteurs, s'opposèrent dans un mouvement dialectique incessant, l'autorité figée ayant perdu sa puissance créatrice, vit dresser contre elle une nouvelle forme de la pensée individualiste, et le germe contenu dans le potlatch s'épanouit précisément en un mouvement de révolution permanente, fait d'explosions successives au cours desquelles la personne s'affirme toujours plus libre et toujours plus créatrice. C'est comme ça qu'un penseur politique se voulant révolutionnaire peut récupérer cette pensée anthropologique du don et le tirer de ses origines communautaires, quelque chose qui peut en fait refonder la société moderne en retrouvant cette dimension du don dans l'individu même. Donc quelque chose qui il y a déjà un germe d'autonomie qui demande en fait qui vient du lien communautaire, mais qu'il faut retrouver le lien communautaire à même l'état d'autonomie de l'individu moderne, en quelque sorte, on pourrait dire ça. C'est un peu le défi qu'un penseur comme dans Dieu se donne en s'inspirant de Mauss. La relative nouveauté du paradigme utilitariste sur lequel opèrent les sociétés occidentales modernes apparaît clairement à la lumière des principes somptuaires d'organisation sociale mis en évidence par le potlatch, mais qui structure également les mœurs et les institutions de toutes les autres cultures de l'histoire. Alors, c'est pas juste quelque chose d'exotique. Là. Marcel Mauss a pu consacrer aux survivances de ces principes dans les droits anciens et les économies anciennes des domaines indo-européens, sémitiques et chinois, l'avant-dernier chapitre de son essai sur le don, qui connaît à ce titre depuis quelques années un regain d'intérêt dans le cadre d'un débat sur le don qui traverse toutes les disciplines de l'économie à la métaphysique. Je fais allusion ici au mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, dont l'acronyme est justement le sigle, c'est justement MOS, hein, qui est une revue fascinante sur ces questions-là depuis les années 80, où j'ai déjà écrit sur Dans Dieu d'ailleurs. Donc, si on a le temps, je vais enchaîner avec un des principaux animateurs québécois de cette tendance. Mais pour revenir à Mauss, donc, des recherches approfondies font apparaître maintenant un nombre assez considérable de formes intermédiaires entre ces échanges à rivalité exaspérée, à destruction de richesses, comme ceux du Nord-Ouest américain et de Mélanésie, donc le potlatch et le coloring, et d'autres types d'échanges à émulation plus modérée, où les contractants rivalisent de cadeaux. Ainsi, nous-mêmes, les Occidentaux, nous rivalisons dans nos étrennes, nos festins, nos noces, dans nos simples invitations, et nous nous sentons encore obligés à nous revanchir, comme disent les Allemands. Hein? C'est un verbe qui vient du français. Bon, ok, tu m'as invité à une belle fête, là, ben, je vais avoir ma revanche en t'invitant toi aussi à charge de revanche, à venir à la belle fête que je vais t'offrir, au beau souper que je vais te faire, parce qu'on a eu un si beau souper où tu m'as invité, etc. Bon. C'est exactement la même logique que le potlatch. C'est une revanche avec la connotation de violence aussi. Hein? Parce que si on faisait juste recevoir sans rendre, on aurait l'air cheap, comme on dit. Hein? On perdrait la face. Hein? Même au sens atténué d'aujourd'hui, on perdrait la face, mais on serait plus vraiment fréquentable. Hein? Le lien social serait brisé. Cette logique est encore fondamentale de la façon dont on fonctionne en tant qu'être humain. Donc, selon Mauss, Mauss écrit donc en conclusion, nous n'avons pas qu'une morale de marchand, celle qui régit nos rapports publics officiels. Il nous reste des gens et des classes qui ont encore les mœurs d'autrefois, et nous nous y plions presque tous, au moins à certaines époques de l'année ou à certaines occasions. Ainsi, sans atteindre à l'intensité fébrile ou au rituel élaboré du potlatch des rives du Pacifique, la socialisation s'est concentrée dans bien des cultures dans une saison festive hivernale. Pour ne prendre qu'un exemple, tel était le cas dans la vie paysanne traditionnelle du Canada français, où la chape de neige qui mettait un terme aux travaux des champs donnait aussi le signal d'une succession de fêtes de familles élargies et de visites impromptues à des parents d'autres localités, bon, de Noël à la Chandeleur, bon, le temps des fêtes. On pourrait mentionner aussi quelque chose de très analogue dans la culture chinoise. On va voir dans quelques jours le Nouvel An chinois. C'est le même principe. C'est une série de fêtes qui s'étale sur plusieurs semaines, précisément à la saison morte, où on n'a plus grand-chose à faire dans les champs. Mais on a tous les produits de l'année. Puis qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, on se les dépense, on s'invite mutuellement, on fait des fêtes de famille, on convoque quelque sorte des ancêtres, où les enfants sont là, etc. C'est un peu la même atmosphère entre le Canada français et la Chine. C'est un phénomène typique de l'hémisphère nord, ça. Hein? Des cultures où des cultures agricoles où il y a un hiver très, très marqué, où on ne peut pas faire grand-chose d'autre que consommer ce qu'on a fait par l'activité agricole de l'année. Donc, de même en tant que classe, là on a parlé des périodes de l'année où on retombe dans le potlatch. Mais il y a des classes entières qui sont demeurées dans le potlatch, hein, jusqu'à relativement récemment. Puisqu'en tant que classe, les aristocraties féodales du monde entier ont toujours été façonnées selon des codes de comportement et des modes de contrat, incorporant les mêmes principes d'honneur et de largesse, la même préoccupation du rang et de l'étiquette que ceux qui trouvèrent leur expression la plus achevée et la plus cohérente dans le potlatch de la noblesse guerrière amérindienne du nord-ouest de l'Amérique. C'est ainsi que dans son fameux ouvrage « Le déclin du Moyen-Âge » de 1919, l'historien néerlandais Johan Huizinga a pu s'attarder sur une série de banquets que les membres de la haute noblesse rivalisèrent à s'offrir les uns aux autres à Lille en 1454. Ayant pour objet d'obtenir leur engagement dans une croisade pour reprendre Constantinople qui venait de tomber aux mains des Ottomans, donc l'année précédente, en 1453, cette série de banquets avait commencé simplement et à modeste coût pour alors augmenter en nombre d'invités, en somptuosité des épices et des amusements. En lui offrant une couronne, l'hôte donnait le tour à un invité. La fête se déplaça de cette façon des chevaliers aux grands seigneurs, des seigneurs aux princes, prenant toujours plus d'ampleur, atteignant chaque fois le plus haut degré de magnificence, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin au duc Philippe le Bon de Bourgogne, donc le grand duc d'Occident, comme on l'appelait, dont les domaines y furent en Occident la dernière place forte de l'esprit chevaleresque, donc de l'esprit du potlatch. Les domaines qui allaient presque de la Suisse jusqu'au Benelux actuel. Donc, les grandes villes flamandes sont un peu l'héritière de cette grande culture bourguignonne. Dans ces territoires bourguignons du Bas-Rhin, donc sur les Pays-Bas, dont hériterait très bientôt l'Espagne, une fois qu'ils furent passés à la Réforme, donc au nord de l'Escaut, dans les Pays-Bas proprement dit, une profonde révolution mentale se fit jour pour prendre le contre-pied de cet esprit féodal. La trace de ce qu'avait d'inouï l'avènement aux Pays-Bas d'une éthique bourgeoise du travail tenant en suspicion la dépense prodigue s'est conservée dans l'expression anglaise « going Dutch », c'est-à-dire mettre de côté les obligations de qui invite et qui reçoit pour payer une addition chacun pour soi sans cérémonie, de peur d'entraver l'autosuffisance individuelle de l'un et de l'autre. C'est une manière d'être typiquement occidentale, mais qui est même scandaleuse pour les Anglais dans leur société déjà tellement commerciale au 16e siècle. Même le fait que les Hollandais étaient déjà allés au bout de cette logique sociale capitaliste était profondément choquant. Hein. Qui pouvait être comme ça sans façon, là, chacun s'arrange pour payer de son côté sans être obligé d'inviter l'autre. Hein. pour que chacun garde sa liberté, son autosuffisance de sujet déterminé par sa volonté rationnelle, calculatrice, dirait Tony. C'est après la réforme. C'est ça, après la réforme. Et c'est intéressant, parce que, en fait, les Pays-Bas et la Belgique, c'était des territoires bourguignons, sauf qu'au nord de l'Escaut, la réforme a triomphé. Et avec le même peuple, qui parle la même langue, le néerlandais, on a des cultures complètement différentes dans tous les détails de la vie. Hein. Donc, les Flamands sont dans la culture somptuaire catholique, médiévale, une culture de la fête, alors que les Hollandais, jusqu'à récemment, avec leur culture calviniste, étaient dans le calcul rationnel, carré, économe, très, très, très, très net. Même le paysage est complètement différent. Le paysage hollandais, quand on traverse la frontière, c'est des carrés rectilignes comme un tableau abstrait de Mondrian. L'organisation de l'espace est faite et sociale, alors qu'au sud de la frontière, leur cousin catholique, la campagne est un joyeux chaos, puis les gens dans les gares, les gens laissent leur chariot un peu n'importe où, et puis on fait confiance à quelqu'un, va peut-être le rapporter plus tard, mais bon, c'est pas un gros stress, alors que il faut que tout soit toujours rangé à sa place assignée dès qu'on passe la frontière dans une gare hollandaise. Hein, c'est là, si on veut expérimenter ça, la différence entre communauté et société, il faut voir le cas des peuples néerlandais. Il faut traverser l'Escaut. Exactement. Il faut juste aller à Anvers et traverser à Roosendaal, donc quelques kilomètres, et on change d'univers. Bon, on change d'époque et de type. On passe de société à communauté. Bon, c'est une énorme caricature, là. D'autant plus que ça tend à s'homogénéiser, mais on peut, si on a des antennes pour ça, on peut quand même déceler ça dans le quotidien de la culture. Bon. Donc pourquoi j'ai orienté vers ça, c'est curieux, je vais revenir. C'est pour en arriver au Père Noël. Parce que ça, c'est une... Pourquoi? C'est le vestige du don dans la société nord-américaine, et ça vient d'où? Ça vient des Pays-Bas. Comment ça se fait? Ben, parce que au Moyen-Âge, beaucoup d'endroits de l'Europe, surtout à portée des villes portuaires, le culte de Saint-Nicolas avait donné lieu à des fêtes où on mettait beaucoup l'accent sur les cadeaux aux enfants, et même une certaine ambiguïté, parce que d'ailleurs on trouve encore des célébrations relativement traditionnelles de Saint-Nicolas des deux côtés de l'Escaut, en fait. C'est l'ancêtre de Noël qu'on connaît, où Saint-Nicolas, avec son costume d'évêque, est accompagné d'assistants, dont un Zwarte Piet, c'est-à-dire le Pierre le Noir. Donc, il y a le bon Père Noël qui donne des cadeaux aux bons enfants, puis son assistant, le Noir, qui peut même capturer des enfants ou leur donner des bouts de charbon s'ils ont été méchants. Donc, c'est l'idée du trick or treat. Hein? C'est l'ambiguïté du don. Si on n'a pas été assez généreux, on peut être emporté. On peut même dans le folklore hollandais, les enfants étaient même soit ils recevaient des oranges venues d'Espagne, ou Pierre Lenoir les mettait dans les sacs pour les emporter en Espagne. Ils étaient les méchants là, qui dominaient, qui avec lesquels ils ont été en guerre pendant des siècles. C'est le pire endroit où être entraîné pour un Hollandais du Nord. Hein? C'est parce que la Belgique, c'est les Pays-Bas espagnols, parce qu'ils n'ont pas... Ils ont pas obtenu leur indépendance, mais les Pays-Bas, qu'on les connaît, au Nord de l'Escaut, ont réussi. Donc, il y a toute cette symbolique-là. Bon, en fait, peu importe. Ça, j'ai écrit un livre hein, sur les fêtes traditionnelles, donc... je me suis beaucoup attardé, notamment sur les origines du Père Noël. Bon, ça c'est Saint-Nicolas. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Donc oui, c'est ça. Donc arrive la réforme au nord de l'Escaut. Et bon, les pasteurs calvinistes n'avaient aucune tolérance pour ces festivités catholiques à moitié païennes, là où on s'échangeait des choses, on festoyait en public, etc. Là, non. Il fallait une austérité sans exception dans tous les domaines de la vie, en public en particulier. Alors, qu'est-ce que fait le Père Noël, Saint-Nicolas, dans banni de l'espace public, ben, c'est là qu'il est rentré par la cheminée dans l'espace privé de la maison, hein, puisque ça pouvait plus se faire en public, dans une célébration publique, hein, de la communauté, ça pouvait se faire dans l'intimité domestique. Dans un, c'est de ça que se sont souvenus les premiers écrivains américains qui ont essayé de créer une sorte de mythologie pour et l'inscrire dans le calendrier pour les États-Unis au début du 19e siècle. Ils se sont rappelés que New York avait été une colonie hollandaise, ils se sont dit donc qu'ils devaient célébrer la Saint-Nicolas, donc ils ont comme trouvé dans des livres là, à quoi ça pouvait ressembler, donc ils ont créé de façon littérale les éléments du mythe du Père Noël à partir de ça, puis ils ont déplacé ça vers plutôt que le 6 décembre, ils ont hésité, est-ce qu'on veut mettre ça au jour de l'an, finalement ça s'est fixé sur 25 décembre. Bref, pourquoi je vais en arriver là, c'est pour faire la transition vers ce qu'en dit des profondes méditations sur le Père Noël dans l'ouvrage clé pour comprendre l'esprit du don par Jacques T. Godbout, un sociologue qui est un très important participant donc au MOS, donc le mouvement utilitariste dans les sciences sociales. Et ça va me permettre d'entrer dans la dynamique familiale, en fait, du don. Je vais vous lire certains passages où il va rejoindre les questions psychanalytiques même. Donc, il conclut en fait son passage sur le Père Noël en disant que, sous sa forme actuelle, le Père Noël vient des États-Unis, société qui, selon Lévi-Strauss, semble souvent chercher à réintégrer dans la civilisation moderne des attitudes et des procédés très généraux des cultures primitives. Serait-ce parce que cette société est celle qui a le plus radicalement rejeté les ancêtres, puisqu'elle se dit auto-fondatrice? Ici encore, on voit le don s'insérer dans la filiation, établissant un lien avec le passé, au lieu de faire table rase du temps, comme on le verra avec le marché et l'État, les formes sociales, les formes de société par excellence qu'a dégagé Tunis. Donc, ce qu'il dit auparavant, il y a beaucoup de plusieurs pages sur le Père Noël, mais disons, la dimension temporelle et familiale, le Père Noël est un ancêtre. Il rétablit la filiation, le lien avec les ancêtres que la modernité rompt constamment, la référence dont nous sommes coupés. Le don est une chaîne temporelle, le marché une chaîne spatiale. Les morts, aujourd'hui, ne sont plus des ancêtres. Ce sont des cadavres. C'est pour ça que moins de 2 mois avant Noël, qu'est-ce qu'on a à l'Halloween? C'est la fête des cadavres. Hein? Mais va aller au Mexique ou dans une culture catholique traditionnelle, en Italie, même, j'ai même vu ça dans les régions catholiques de hongroises, de Roumanie. Le rapport, elle est à la même époque, le jour de la fête des morts, donc le jour de la Toussaint, dans les cimetières, c'est bondé de gens qui vont faire la fête avec leurs ancêtres, avec les membres de leur famille qu'ils ont connus personnellement ou non, qui font littéralement des fêtes, des repas sur la tombe de leurs ancêtres, de leurs parents ou grands-parents, tout en famille. Il y a même des sièges aménagés devant, là, ça fait partie du tombeau, qu'on a un potlatch avec ses ancêtres, encore dans les cultures catholiques d'Europe. Mais en Mexique, bien sûr, c'est le jour des morts, ça prend des proportions. C'est pas des cadavres, on parle pas de cadavres. Non, hein? Les morts qui viennent de leur tombeau dans la famille. Hein? C'est comme ça que c'est vu. On fait des choses pour les accueillir chez soi, pour qu'ils reviennent chez eux. au Mexique, ça. Donc, les morts sont jamais vraiment morts au Mexique. Mais toujours une ambiguïté dans les fêtes des morts. Il y a les morts qu'on connaît, qu'on a quand même apprivoisés, puis les morts inconnus, là, qui sont plus dans la relation sociale de donc, qui sont dangereux, qu'il faut apaiser. Donc, c'est pour ça le trick or treat. Hein? Trick or treat. Quand il y a des petits fantômes qui viennent nous visiter, là, si on ne veut pas qu'ils nous jouent des tours, qu'ils nous jettent des sorts, parce que c'est des âmes qui sont pas apaisées, qui sont comme orphelines, en quelque sorte, il faut leur donner quelque chose pour les apaiser. Hein? C'est pour ça qu'on leur donne des bonbons. Mais aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on a oublié tout cet arrière-plan, on a juste des cadavres qui se promènent. C'est ça notre rapport moderne à la mort. Mais c'est complémentaire, le bon ancêtre, Père Noël, et les mauvais morts zombies. C'est des caricatures, en fait, du rapport transgénérationnel de dons. Des communautés quoi, qui persistent dans la société commerciale. Donc au moment de la grande fête annuelle des enfants, qui est aujourd'hui Noël, les ancêtres reviennent et ce sont eux qui donnent les cadeaux aux enfants. Les cadeaux de Noël sont les premiers objets qu'un enfant reçoit de ses parents dans sa vie comme un don. Les derniers qu'il recevra constitueront l'héritage à la mort des parents quand ceux-ci iront rejoindre les ancêtres. Le premier et le dernier don proviennent ainsi des ancêtres. Ce sont tous deux des héritages. Ainsi, les parents ne sont effectivement pas les seuls à donner. Le Père Noël ouvre l'univers fermé de la famille moderne. Hein? Bon, celui qui était... celle qu'on a vu naître, en fait, aux Pays-Bas, hein? Qui commence à se refermer sur elle-même, à célébrer entre soi, plutôt que dans un cadre de grande kermesse collective. Donc, le Père Noël ouvre l'univers fermé de la famille moderne, rétablit un lien avec le passé, dans le temps, mais unit aussi les enfants à l'espace, au reste de l'univers. Il sort les enfants de leur petit monde, ouvre le réseau étroit dans lequel ils se situent habituellement. Le Père Noël les relie au monde, il vient du pôle Nord, puis il a fait des étoiles, c'est encore plus loin que le pôle Nord, donc ils sont introduits dans la dimension cosmique du don. Hein. Donc, le Père Noël apporte les cadeaux de l'univers. Il autorise les parents, par sa présence, à être aussi des fils, à redevenir aussi des enfants, l'espace d'un moment. Enfin, il autorise le père à être un vrai père, si on admet, avec le gendre, le psychanalyste le gendre, qu'il n'est de père pensable que sous l'égide du père mythique. Hein? Le Père Noël, c'est aussi ça. Encore un peu à propos de Noël, il faut rappeler que souvent un peu de dilapidation hein, de dépenses gratuites excessives accompagne le don, un peu d'excès, de folie, un surcroît qui signifie une prise de distance vis-à-vis de l'usage de la valeur d'échange des objets. C'est l'excès qui signifie que la chose circule comme don. L'emballage des cadeaux en est une illustration frappante. C'est quelque chose d'inutile et de beau qui est fait pour être jeté. C'est du potlatch. On peut s'offrir des choses utilitaires, mais ils sont signifiés comme cadeaux par l'emballage, jetable, mais somptueux. Hein? C'est absolument ça. C'est aussi simple que ça. Hein? C'est ça, l'emballage jetable des cadeaux, c'est le cœur du lien social. Dans le contexte du don, la destruction ne s'appelle pas dilapidation. Elle figure le supplément qui accompagne tout don et constitue la nourriture spécifique de la relation. Parce que ce qui est donné dans un don, c'est pas juste l'objet qui est donné dans un don, c'est le don lui-même qui est donné dans le don. C'est le lien du don qu'on donne par le don. Combien de temps tu... Une demi-heure, c'est possible, ou 20 minutes. Ouf. On peut prendre un petit break et puis on reprend après. Je peux peut-être finir mon paragraphe, je peux peut-être prendre 5 minutes, ou 3-4 minutes. Donc la destruction dans ce contexte-là ne s'appelle pas dilapidation. Elle rejoint le potlatch, qui n'est dilapidation que pour les Occidentaux, lesquels analysent le phénomène à travers le modèle marchand. Le potlatch consistait à expulser les choses de leur circuit marchand. C'est pourquoi il a été interdit par le gouvernement canadien comme destructeur de l'initiative économique et de la morale et barrant la route au développement et à la modernisation. Il y a des lois, mais tu savais ça, il y a des lois interdisant le potlatch tant aux États-Unis qu'au Canada, d'ailleurs, dans les tribus amérindiennes, juste qu'il y a assez récemment, en fait. Puis l'ont élevé ou ça continue? Non, mais ça fait partie, je sais pas, moi, c'était les années 70 que ça a disparu. Mais c'est ça, c'est absolument scandaleux et inadmissible pour un État moderne, président à une société en développement, que des gens se mettent à s'offrir des cadeaux sans raison, et en plus, quand c'était pour être détruit, juste pour le plaisir, ça n'avait aucun sens. C'était immoral, c'était scandaleux, c'était même antisocial, anti-économique, littéralement antisocial parce que c'était communautaire. Hein. C'est la collision directe de la société et de la communauté, c'était ça, l'interdiction du potlatch. Donc, il n'y a pas de dilapidation, en fait, dans le potlatch, parce que les choses restent dans le circuit, ont un sens dans leur réseau d'appartenance, y compris en tant qu'elles sont détruites. Mais quand la dilapidation se présente seule, sans accompagner le don, elle est alors en quelque sorte un don qui n'est fait à personne, un don qui cherche un donateur, et elle manifeste peut-être une incapacité d'entrer dans un réseau de dons, un don dévié de son réseau d'origine, une manière de se débrancher d'un réseau. Autrement dit, la dilapidation est un don perdu, même comme don. Ça va m'introduire à parler de la famille comme un système de dette. Et bon, ça, on va peut-être faire ça après la pause, parce que ça va me permettre d'enchaîner avec la psychanalyse. Mais ça, c'est pas énorme, là. Je pense que j'en ai 15-20 minutes.